sur mes chilums émaillés, sur mes feuilles d'impôts impayées, sur mes vieilles boîtes de cassoulet, sur mes filtres de joints fripés, j'écris ton nom. Rock and roll!